بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب من الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. نخوض المسألة 13، 13 مسألة. لا 11 إلى 12 إن شاء الله on les a passé car ce n'est pas une chose qui est يعني vraiment apparente pour les francophones. Et ce sont des choses qui sont assez simples, alhamdoulilah, ça n'apporte pas de gros ishkel. Tandis qu'à la 12, elle revient à la 10. C'est une chose qui est liée au fait de mettre en pluriel et en singulier. C'est la même mas'ala. Donc on passe directement à la 13. Fi qulillahi azza wa jal, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ceux qui pensent, là je traduis le terme. L'explication va venir par la suite. Ceux qui pensent qu'ils rencontreront leur Seigneur. Surat al-Baqara, verset 46. Car en réalité, le sens est autre que ce que je viens de lire. Qala, rahimahullah ta'ala, hadhihi al-ayatu tadullu bi dhahriha ala anna adh-dhann yakfi fi umur al-ma'ad. Donc il dit ce verset, l'apparent du verset, nous démontre que la simple pensée, le fait de penser une chose, suffit pour les choses promises, pour arriver un aboutissement. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك. كقول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. Alors que d'autres versets sont venus démontrant le contraire. Comme dans sa parole, dans le sens où Allah dit, certes, c'est-à-dire les conjectures, le fait de penser, les opinions, ne remplacent en rien la vérité. Quand même, ne remplacent en rien la vérité. Yunus, verset 36. وكذلك في قول الله تعالى إنهم إلا يظنون. Ils ne font qu'avoir des conjectures, qu'avoir des pensées, des choses qu'ils pensent comme ça, qui ne sont basées sur rien. Surat al-Baqara, verset 78. Également, le même est venu dans Surat al-Jathiyah, verset 24. قال ووجع الجم أن الظن بمعنى اليقين والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك. Donc c'est quoi, comment on lit maintenant entre les deux? C'est qu'en réalité, le terme « dhon » et « dhon » il peut venir également pour le sens qui est celui de la certitude. Et les Arabes employaient le terme du « dhon », de la pensée, de la conjecture, dans le sens de la certitude, mais également celui du doute. Également celui du doute. Donc comment traduire le verset du début? En réalité, le vrai sens approximatif serait « ceux qui ont la certitude » qui savent qu'ils vont rencontrer leur Seigneur, et non pas qu'ils pensent. Hadahu. Qala wa ityan wa dhann bi ma'na al-yaqin kathirun fi al-Qur'an wa fi kalam al-Arab. Fa min amthilatihi fi al-Qur'an hadhihi al-aya. Déjà celle justement de sourate al-Baqara, qui est le sujet de cette mas'ala. Wa kadhalika qawluhu ta'ala qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah كم من فئه قليله. Que dire ceux qui étaient sûrs qu'ils allaient rencontrer leur Seigneur, combien de petits groupes ont-ils triomphé sur des grands groupes, des grands nombres? Il a dit quoi? قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله يظنون. Et là c'est dans le sens c'est yaqinun. وقوله تعالى وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا أي أيقنوا. C'est-à-dire que les mujrimoun, les criminels, les kuffars, verront le feu, يوم القيامة. Il a dit فَظُنُّوا. Et en fait, c'est, et ils sont sûrs qu'ils vont y tomber. Ils savent qu'ils vont y tomber, les kuffars. C'est pas ils disent, peut-être je vais pas y tomber. Ils savent qu'ils vont y tomber. Surat al-Kahf, la caverne, verset 53. وَقَالُوا تَعَالَى إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ Et ayqantu, dans le sens où Allah dit, et il a dit inni dhanantu, je pensais en fait, on pourrait croire, mais en fait, j'étais sûr que j'allais rendre des comptes. Car on sait qu'on va rendre des comptes. Là, il dit inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'étais sûr que je vais rendre des comptes. Puis kazalik, ba'da hadha, il cita des vers de poésie, dans lesquels le sens, le mot dhanna est venu avec le sens de ayqana, autayaqana, de la certitude. Dans la certitude. Et kazalik, je ne pourrais vous les traduire, car je n'ai pas le ta'liq qui va avec, et les vers de poésie parfois sont très durs et difficiles. Que parfois les vers de poésie sont très difficiles à traduire. Donc je ne vais pas m'aventurer à vous dire ce qui n'a pas été cité en réalité. Fabi Adana Ktafi, walhamdulillah rabbil alamin.